Full stop. Full stop. Full stop. Katrina stop. C'est le S et je crois en mes méthodes. Nique sa mère un mentor. On fait la cesse, ouais, parce que ça rentre trop. Bientôt la veine t'adore. Vu ma vie, tu vas monter recto. Sa mère être un vieillard. Mon arme est serbe, mais je t'arrange au couteau. J'attends plus la goutte d'eau. Une paire de baskets neuves, j'ai rendu fou ma vallée. Bien avant l'hosto, la maladie, la mort. J'ai plus revu mon padré. Avec les bétonneurs, avec les nettoyeurs. Je peux faire signer ton heure. Les go et les tonneurs, tu connais cette odeur. Ils me jouent les étonnés. Fais pas de bruit, va toutou. La vidrine à toto. J'en veux pas, je vais tout droit. Ici, je connais tout le monde, c'est pour mon bras. Grandi et étudie, j'en apprends de l'ennemi. Je le connais mieux que l'ami. Il veut m'apprendre la vie, moi je vais t'apprendre la tienne. Là où tu manges lundi, là où tu sors mardi, là où tu pianses mercredi, laquelle tu baisses jeudi, là où tu danses vendredi, fils de pute. T'es le roi du rap, toi ? Culé, ouais. C'est le S, y'a que des meufs des vêtus. J'claque pas dans les matus, pour jouer les matus vus. À la fin de soirée, j'pisse, nique sa mère, elle m'a tué. Le banquier me dit, Julien, là, on est borderline. Mais y'a du fric à faire, fuck la déontologie. J'suis pas un pic assiette, j'en ai vraiment rassasié. Surtout quand les gosses s'emmènent, j'aurais pu t'apprendre à la vendre. J'ai voulu t'apprendre à rapper, j'crois qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Un truc qui en veut à la terre entière, j'les dure comme rarement quand ça rentre. Fuck ceux qui m'ont jeté la pierre, ils vont manger des pommes au paradis. Tu sens tombe sur mon parapluie, on croise encore en te mentant l'air. Plein à tout le monde, ça sert à tu. Fais attention, protège ta nuque. Fais attention, protège tes coudes. Fais attention, j'la mets dans huc. Fais attention, protège ta vie. Sa mère, vos pères fondateurs. Sa mère, votre demi-vrai rappeur. Sa mère, le fisc. Sa mère, le risque. Sa mère, le disque. Je m'en branle d'être validé, je m'en branle d'être lamidé. Plus chaud de la cité, un homme avec une arme, c'est dangereux comme idée. Autant d'absurdités, écrites dans un cahier, ça nous fait bien marrer. On cherche la pure à 22 E, dealer invétéré. Des caisses accidentées, des gosses de 17 ans. Moi je viens du vrai merdier, t'as encore toutes tes dents. Espèce de petit pédé, je donne mon cœur à une femme. Mais des fois ça rend fou, je suis pas un mauvais mec. La trahison c'est dur, après tu verras flou. La vie c'est vrai c'est dur, putain que c'est mon domaine. Putain que c'est bon l'oseille, putain c'était sec avant. Putain ce qu'on était naïf, j'aurais filé ma confiance à n'importe quel fils de pute, pourvu qu'on passe des bons moments, pourvu que je garde ton maman. J'ai du 22, du 9-19, du 9-17, aussi du 7-62. Mes flingues sont pas en plastique, comme les seins de ma femme. Ils sont venus jouer les shows ici, ils sont repartis méconnaissables. On prend la route après 3 tailles, chez moi personne connaissable. Je repars plein d'aluminium, sans plein ton KW Célio. C'est sûr qu'il aura été en stunt ici, c'est pequeño. Mais quand les lights éteignent, les apparaîtront m'éteignent. Les vrais, les petits parrecas reviendront pour prendre leur aide. Regarde-moi bien dans les yeux, qui va s'asseoir à ma table. J'aurais dû arrêter le rap, salope si ça allait mieux. Rooftop, Jesus. Les hommes arrêtent.